franceinter.fr. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Rirette, maître Jean du col Claudine à la bande à Bonneau, avec mon invité, l'écrivain Patrick Péchereau. Imaginez une grande maison au milieu d'un jardin planté d'arbres, où au printemps fleurit le lilas. Des hommes, des femmes, quelques enfants y habitent, une vingtaine en tout. Certains travaillent la terre dans les jardins potagers, d'autres s'activent à imprimer et à tirer un journal sur une presse à bois. Mais ici, qu'on soit rédacteur ou jardinier, homme ou femme, tous sont égaux et chacun a droit à la nourriture et au logement. Mais pas question d'argent entre eux. De l'autre côté des murs, oui, l'argent est roi, mais ici, il n'existe pas. Où sommes-nous donc, à votre avis? Dans un jardin participatif? Dans une communauté hippie des années 70? Non, nous sommes en 1911, à Romainville, dans la banlieue de Paris, et cette belle maison est le siège du journal L'Anarchie. La vie y est-elle aussi idyllique, aussi pacifique qu'elle en a l'air? Sur un mur du jardin, une silhouette humaine, peinte au pochoir, sert de cible pour les exercices de tir au revolver. En tout cas, à la fin de l'année 1911, un élément extérieur, un certain Jules Bonneau, va semer le trouble dans la communauté, entraînant les plus jeunes de ses membres dans l'aventure sanglante du grand banditisme, celle de la bande à Bonneau. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Patrick Péchereau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur de scénarios, de bandes dessinées, mais surtout romancier, l'auteur d'une dizaine de romans, des romans noirs qui souvent nous plongent dans le passé, dans les milieux populaires de l'entre-deux-guerres notamment. Et vous êtes l'auteur de la fiction que je vais raconter dans quelques minutes, une fiction qui va nous entraîner dans le Paris de l'après-guerre, au marché aux puces de Saint-Ouen, avec un personnage que vous avez inventé et qui s'appelle Mitel. Et on va partir encore plus loin dans le passé, un passé qui semblait oublié, mais qui soudain revient à la surface, au personnage donc de Mitel. En 1911, de jeunes anarchistes qui s'engagent dans l'aventure meurtrière et sans retour des hold-up de la bande à Bonneau. Alors, avant d'écouter cette histoire, qui a une part romanesque et une part historique, hein, puisque c'est une histoire en partie vraie, l'histoire de la bande à Bonneau, on la connaît, pouvez-vous quand même nous rappeler ce qu'était l'anarchie en France au tout début du XXe siècle? Au début de cette histoire, finalement. Oui, l'anarchie à cette époque était un courant très important du mouvement ouvrier qui avait deux branches, on va dire. Et les personnages qu'on va retrouver dans cette histoire sont les partisans de l'individualisme anarchiste, qui était une théorie qui se basait à la fois sur les écrits d'un philosophe allemand qui s'appelait Max Stirner, qui était contemporain de Marx, enfin du jeune Marx, et puis qui avait été popularisé en France par une figure du mouvement anarchiste qui s'appelait Émile Armand. Et pour les tenants de l'individualisme, il ne servait à rien d'attendre le grand soir. Ce qu'il fallait, c'était se changer soi-même et vivre maintenant en anarchiste, partant du principe que ça n'est pas un mouvement social qui changerait l'individu, mais que c'est plutôt l'individu qui changerait la société. Mais ce sont quand même des individus qui vivent en groupe. Enfin, quand même, il y a une idée d'une communauté, malgré tout. Tout à fait. C'est pour ça que les deux termes sont juxtaposés. Individualisme anarchiste, ça n'est pas du tout le sens du mot individualisme tel qu'on peut le connaître aujourd'hui ou l'employer péjorativement. Voilà, c'était l'individu, mais au sein d'un collectif. Et les tenants de cette pensée, de cette façon de vivre, expérimentaient déjà, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, des modes de vie alternative qu'on pourra retrouver effectivement dans les années 70. Et le pavillon de Romainville en est un exemple. C'est un lieu communautaire. Certains des membres de ce groupe venaient d'ailleurs d'une commune libre en Belgique, à Stockel, où était expérimentée aussi cette forme de vie communautaire assise sur une addition d'individualité. Il y a aussi cette idée de vivre un peu en dehors du monde, quoi. On vit sans argent. C'est étonnant quand même. Comment faisait-il pour vivre sans argent? Il volait? Un petit peu, voilà. Un petit peu. Alors, les tenants de l'individualisme ont poussé le raisonnement jusqu'à effectivement partir dans une autre branche de cette pensée qui s'appelle l'illégalisme. C'est-à-dire qu'ils vivaient en marge du monde, si vous voulez, mais ils étaient quand même bien insérés dans le monde. C'était pas une secte, mais ils vivaient donc en marge des lois. Et évidemment, comme certains d'entre eux avaient expérimenté d'autres formes de combat social qui pouvaient passer par le syndicalisme pour certains, mais ils s'étaient tous cassés les dents et le monde du travail à cette époque était très très dur, donc beaucoup n'avaient plus de travail. Eh bien, ils vivaient d'expédients, alors pas mal de fausses monnaies, de la monnaie de singe qui parfois leur coûtait plus cher que s'ils avaient vraiment travaillé, ou de petits larcins, de cambriolages, beaucoup de cambriolages, et puis effectivement, ceux qu'on a appelés les bandits tragiques sont allés beaucoup plus loin. Ce sont souvent des enfants d'ouvriers, ce ne sont pas des intellectuels. Ils savent lire, ils savent écrire malgré tout. Ah, ce sont tous des enfants de milieux ouvriers. Tous. Alors certains ont eu des métiers, certains sont serruriers, typographes pour Raymond Lascience, terrassiers pour Octave Garnier, garagistes pour Jules Bonneau. Mais tous ont un parcours commun, c'est-à-dire qu'ils sont issus de milieux très populaires, ont commencé la vie active très très tôt, hein, 11, 12, 13 ans, donc relativement peu d'instruction. Et ils se forgent eux-mêmes leur instruction, je dirais un petit peu de briques et de brocs dans la pensée des grands courants anarchistes. Et ils ont vraiment une revanche à prendre sur la vie, parce que les métiers qu'ils ont pu exercer sont parfois très très durs. L'un d'entre eux, Caroui, travaillait par exemple dans une usine de soufre, et on n'imagine pas à quel point c'était très difficile à cette époque. Et parfois des vies brisées. Plusieurs d'entre eux sont orphelins, par exemple, donc ont eu très très peu d'éducation. Et ils se constituent comme ça, un monde où ils vont à travers l'entraide anarchiste, ils vont se former, s'aider et puis partir à l'assaut du monde dans des voies qui vont les mener, pour eux en tous les cas, à l'impasse. Il y a quand même des excentriques aussi dans la bande. Hein. Oui. Il y en a qui se promènent tout nus parce que les habits, c'est quelque chose de culturel, imposé par la société. D'autres sont végétariens. Bon, là, c'est quelque chose qui est assez nouveau à l'époque. Il faut voir que cette excentricité venait sur c'est pas un jugement de valeur que je porte. Hein. Pardon. C'est excentrique par rapport à l'époque. Tout à fait. Et ça partait de préoccupations hygiénistes et de préoccupations autour de la santé. Le végétarisme était une règle d'hygiène. L'abstinence, en ce qui concerne l'alcool, était là, je dirais, à la fois une règle d'hygiène, mais aussi une forme de protestation sociale par rapport à l'alcoolisme qui était très très présent dans le monde ouvrier. Hein, tout le monde a en mémoire l'assommoir d'Émile Zola. Donc il y a un côté effectivement un peu folklorique, mais qui part de bases individualistes. Donc on va se changer, on va pas tomber dans ses travers, on va pas s'abrutir à l'alcool, on va vivre plus sainement, on va pas, etc., etc. Un peu ce qu'on a retrouvé là aussi dans les années 70. Et le féminisme aussi. Les corps se sont libérés. Le féminisme, bien sûr. Alors dans cette fiction que vous avez écrite, Patrick Pechereau, il y a une dimension, donc je l'ai dit, historique et romanesque. Le personnage de Mitel, qu'on va découvrir, est une invention. Mais en revanche, Rirette Maître Jean, cette femme assez extraordinaire, elle a vraiment vécu, et nous la retrouverons tout à l'heure dans l'interview en deuxième partie d'émission. Tout de suite, donc, je vous propose d'écouter Rirette Maître Jean, du Col Claudine à la bande à Bonneau, une fiction spécialement écrite pour Autant en emporte l'histoire par Patrick Pechereau. La réalisation est signée Baptiste Guiton. Les puces, on y finit tous. Vieillerie parmi les vieilleries, je suis une antiquité à ma façon. Bien à ma place ici, marché Malik depuis, mieux vaudrait oublier. Mais les souvenirs sont comme la bimbloterie, ils finissent toujours par ressortir. Celui-là m'est revenu dans un écrin, le boîtier d'un vest pocket 1912, un de ces petits Kodak à soufflet qui faisait fureur. Une fois replié, il aurait pu tenir dans la poche d'un pardessus, celle où niche parfois un Browning. Jeannot me l'avait fourgué parmi d'autres breloques qu'il vendait en blot. C'est la broche qui m'avait tapé dans l'œil. Un camé aussi fin qu'une dentelle. J'ai pris le tout. Chicaner, c'est du temps perdu et le mien est compté. Les années pèsent dans ma musette. Jusqu'au soir, j'ai rêvassé sur le camé. Avant de remballer, j'ai ouvert le Kodak. Son soufflet a craqué comme celui d'un accordéon qui n'a pas joué depuis des lustres. J'ai posé l'appareil sur ma poitrine. Son viseur donnait à voir le monde à l'envers. J'ai pressé le déclencheur. Je venais de prendre la dernière photo d'une pellicule entamée 35 ans plus tôt. En 1912, cette année-là, j'avais toutes les raisons de m'en souvenir. Les chalands qui arpentent les allées du marché Malik, à Saint-Ouen, en ce mois de juin 1947, seraient étonnés si on leur apprenait que François Mittel, brocanteur de son état, est l'un des derniers survivants de la bande à Bonneau. Outils démanchés, pendules arrêtées, casseroles rétamées. Sa baraque est l'ultime étape des secondes mains et des dernières chances. On vient y dénicher ce qui fera encore usage une fois retapé. Aux gens de peu, Mittel vend des petits bonheurs pas chers. Nul ne saurait dire quand il s'est posé aux puces. Il fait partie des meubles et, comme eux, il n'est plus de la première jeunesse. Les soirs de vague à l'âme, quand un air manouche descend de la zone, il pourrait en raconter. Même Mittel est taiseux. Ouais. Son passé n'appartient qu'à lui. Quelqu'un ? Ouais, Mittel, t'es là ? Ah, c'est toi, Jeannot. Je ne t'avais pas entendu. J'ai vu de la lumière dans ton labo, tu t'es remis à la photographie ? Dis donc, t'es aussi pâle qu'un cliché voilé. Coup de fatigue. Hey. C'est le Kodak que je t'ai vendu. Tu l'as déjà essayé ? Attention, les photos ne sont pas sèches. Pas sèches, mais d'époque. Elles étaient dans l'appareil. On les croirait sorties d'un film muet. T'as vu la tronche des Gus qui sont dessus ? Ces Gus avaient été mes amis. Raymond Calmin, Octave Garnier et Marie Larousse, sa compagne. Le petit Soudi qu'on appelait Bécamel. Édouard Caroui, le gros Caroui qui libérait les oiseaux en cage. Eugène Dieudonné, bon comme le pain. René Vallet et ses rimes à la manque. Victor Kibalchich, dit Loretif, dit Victor Serge. Rirette, Rirette, maître Jean. Sur la photo, derrière elle, le jeune gandin qu'on distingue mal, c'est moi. Je la regarde, Rirette. Oh ouais, je la regardais. Nous étions jeunes. C'était à Romainville. Un genre de communauté où on refaisait le monde. Certains allaient devenir les bandits tragiques, ce qu'on appelait la bande à Bonneau, des hors-la-loi de 20 ans, des feux follets qui allaient tout embraser et s'éteindre aussi vite. Mais quand la photo a été prise, dans le jardin de Romainville, c'était encore le temps des cerises, celui des palabres, des éclats de rire et des disputes, des parties de campagne où on canotait et récitait des vers. Le temps des amis, des amours et du soleil de l'anarchie. L'anarchie sans majuscule, s'il vous plaît. C'était le nom du journal qu'on y imprimait à Romainville, avant que tout dérape. Jules, ça fait une heure qu'on tourne. On aurait pu prendre un réchaud. Ouais, il y a un bistrot à 100 mètres. Vous êtes vraiment des mômes. 21 décembre 1912, à Paris, une Delaunay Belleville volée remonte la rue Ordener. À son bord, Octave Garnier, Raymond Calmin, dit Raymond la science, et Jules Bonneau qui tient le volant. Il se réclame de l'individualisme anarchiste, une doctrine inspirée par le philosophe allemand Max Stirner. Elle affirme la primauté de l'individu sur la masse. Les individualistes n'attendent rien d'un quelconque grand soir. Pour eux, l'individu doit se changer lui-même et vivre selon la morale libertaire. Il s'y essaie en marge d'une société qu'il condamne et dont il refuse les lois. Certains professent l'illégalisme, pratiquant le vol qu'ils définissent comme la reprise individuelle de ce dont la société les a privés. Les occupants de la Delaunay qui remontent la rue Ordener sont des illégalistes. Ils vont commettre le premier hold-up en auto de l'histoire. Dans leur ligne de mire, une agence de la Société Générale. On fait quoi, Jules ? Merde, il y en a marre de tourner comme ça ! Du calme. Octave, regarde ! Où ? Là, au coin de la rue. C'est l'encaisseur ! Je le vois, les gars. Oh là là ! Mince de costard ! képi, bouton doré, ouais. Zébat, un encaisseur. Tu parles. Costard de Larbin, ouais. Mate sa sacoche. Elle doit être pleine de billets. Ouais, c'est vraiment Bat, un encaisseur. Quand il sera plus prêt, vous y allez. Octave, tu le mets en joue. Raymond, tu arraches sa sacoche. Moi, j'avance l'auto et vous embarquez. Et vive l'anarchie. Bouge pas ou t'es mort. La sacoche. La sacoche. Il lâche ta dos, imbécile. Raymond, écarte-toi, Raymond. Merde. Octave, tu l'as eu. Réveille la sacoche, magne. On déclare. Je ne sais plus comment tout ça a commencé. On a dit que l'arrivée de Bono avait chanstiqué les têtes. Probable, mais je crois qu'elles étaient déjà prêtes. Étourdies de mots trop grands pour elles. Calmin, Garnier et les autres, il faut comprendre. À peine sortis de l'enfance, c'était des traits de misère que la dureté du monde avait révoltés, poussés dans les marges. Les grèves, chargées sabre au clair, le sang sur les pavés et la flicaille qui vous traquait jusque dans votre pauvre gourbi, si vous aviez le malheur d'être inscrit au grand fichier des empêcheurs de profiter en rond. Quand on le caillasse, même le plus gentil toutou peut devenir enragé. Ceux de la bande à Bono, comme on les a surnommés, ne sont pas nés un revolver en main. Dans le berceau où d'autres ont trouvé une cuillère en argent, eux n'ont eu que la misère. Alors la cuillère, ils ont voulu la prendre, persuadés qu'ils y avaient droit. Ils n'ont pas tout compris, ils en sont morts. 25 mars 1913. Rejoint par Élie Monnier et André Soudy, un gamin tuberculeux, Garnier, Calmin et Bono abattent les deux passagers d'une De Dion Bouton, s'emparent du véhicule et attaquent une banque à Chantilly. Aussitôt entrés à l'intérieur, Garnier, Calmin et Monnier font feu. Dehors, André Soudy tient la foule en respect. Au volant, Bono les attend. L'attaque a duré quelques minutes. Bilan, un mort et deux blessés graves. Putain, Octave, t'as tiré drôlement vite. T'as pas été en reste, mon salaud. La guerre est déclarée, Raymond. C'est eux ou nous. Mais toi, tu dis rien, Jules. Pourquoi tu dis rien? Je conduis. Eh, hey, André s'en est bien tiré. Hein, André? Mais... comment tu les as tenus en respect dehors? André? Eh, les gars? André, il s'est évanoui. Quelques jours plus tard, renseigné par des indicateurs, la police opère des rafles dans les milieux anarchistes. Le 24 avril, lors d'une perquisition à Ivry, Bono, qui s'y cachait, blesse mortellement le sous-chef de la sûreté. Le 28 avril, assiégé dans un garage de Choisy-le-Roi, il est abattu après un siège de 5 heures où tout Paris se presse. Le 14 mai, Octave Garnier et René Vallet subissent le même sort à Nogent-sur-Marne. Les autres membres de la bande et ceux qu'on soupçonne de les avoir aidés sont arrêtés. La pellicule était restée dans l'appareil toutes ces années. Il servait pas souvent. Faut croire. Où l'as-tu déniché, Jeannot? Je l'ai rapporté d'une tournée des poubelles, je sais plus exactement lesquelles. Tu devrais. Un Kodak, un Camé, ça ne se trouve pas tous les jours. On dégote parfois bien d'autres choses. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Tes poubelles, elles poussent où? Et ta petite sœur, où c'est qu'elle pousse? Jeannot, je ne vais pas te piquer ton coin. Il y a belle lurette que j'ai remisé mon crochet de bifin. Je cherche juste à savoir à qui appartenait l'appareil. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me fait... Oula. Moi, je chine. Hein. Le reste, je m'en tamponne. Les gens jettent ce qu'ils veulent, c'est pas mes oignons. Tiens, pour t'aider à te souvenir. 10 sacs? Elle a quoi, cette poubelle, pour que son adresse vaille 10 sacs? C'est mon affaire. Tu prends ou tu laisses? Donne. Cité Mozart, dans le 16e. Tu fais le 16e à présent? T'es monté en grade? Bah, tu sais, dans les beaux quartiers, il y a de la verdure. Hein. La chlorophylle, c'est bon pour ce que j'ai. Cité Mozart, je prends des bols d'air. C'est thérapeutique. Aïe, aïe, tu me fais mal. Lâche-moi. Lâche mon bras. Qu'est-ce qui te prend? Te fous pas de moi, Jeannot. Sauf si Kodak a changé de main, celle qu'il avait, je la vois mal dans le 16e. À moins qu'elle ait tourné boniche, ce que je vois encore moins. Hé, Elle, qui elle? Des Kodak comme celui-là, il y en a des centaines. Regarde bien la photo. Tu ne remarques rien? Quoi? Le camé et la broche sur le chemisier de la jeune femme au premier plan. Eh bien... C'est celle que tu m'as vendue. Sa frangine, c'est pas une pièce unique. Que tu aies chouravé tout ça, je m'en contrefiche. Mais je veux savoir où perche celle que tu as volée. Volée... Aïe, lâche-moi! Rue du Pré-Saint-Gervais, là, ça te va? Mieux. Mais enfin, qui c'est? Rirette, Maître Jean, la jeune femme au camé, est née Anna Henriette Estorge le 14 août 1887 à Saint-Mexan, en Corrèze, de parents petits agriculteurs. À 17 ans, élève à l'école normale, elle s'est enfuie à Paris pour échapper au mariage auquel on la destinait. Placée comme couturière, elle a découvert la condition ouvrière. Elle a suivi les cours du soir à la Sorbonne et ceux de l'université populaire fondée par Georges de Hermes, écrivain anarchiste, et Gabriel Céaille, professeur de philosophie, cofondateur de la Ligue des droits de l'homme. Elle a fréquenté les causeries populaires d'Albert Libertad, personnage haut en couleur, qui en 1905 avait fondé l'Anarchie, un hebdomadaire de tendance individualiste. Vivre en anarchiste, ici et maintenant. L'idée a séduit Rirette, d'autant mieux que les individualistes en appellent à l'émancipation de la femme. À la condition qui est la sienne, ils opposent l'égalité des sexes, l'amour libre, la contraception, l'avortement. Rirette. Elle a débarqué à l'anarchie comme un de ces petits chats sauvages qui font vous sentir bien lourd, tant leur liberté les rend légers. Ces petits matous et flanqués qui surgissent d'on ne sait où et se faufilent chez vous, l'air de vous faire une faveur. Le pire, c'est qu'on en est ravis. Rirette était comme eux. Sitôt arrivée, elle s'est imposée, c'était naturel. Une sorte de grâce, faut croire. Avec ça, elle n'avait pas froid aux yeux. Et ses yeux, sous sa tignasse de nuit noire, ils prenaient toute la lumière. À d'autres moments, ils avaient des douceurs d'eau dormante où on aimerait couler. Rirette, c'était l'anarchie en personne. Belle comme elle et rebelle tout autant. Elle était de tous les coups. Les grèves à soutenir, les compagnons à aider, le journal à imprimer. Quand elle le corrigeait, elle prenait sa petite bobine maîtresse d'école. Une maîtresse qu'on aurait rêvé d'avoir quand on était mouflé. À la regarder, j'étais pas le dernier à fondre, mais j'ai vite compris que c'était peine perdue. Dans les yeux de Rirette, je n'ai jamais vu briller mon reflet. Le comprendre laissait un grand vide au cœur, mais c'était impossible de lui en vouloir. Quelque temps après son arrivée au journal L'Anarchie, Rirette a rencontré Louis Maître Jean, ouvrier cellier, anarcho-syndicaliste. Ils se sont mis en ménage et seront de toutes les actions où s'illustrent les libertaires. Conflits sociaux, propagande, expériences de vie alternative. Pourtant, désormais mère de deux enfants, Rirette s'est sentie enfermée dans un statut dont elle ne voulait pas. Elle quitte Louis. En 1909, âgée de 22 ans, elle fait la connaissance de Victor Kibaltchich. Il a 19 ans. Fils de révolutionnaires russes exilés en Belgique, il y a milité chez les anarchistes avec son ami d'enfance, Raymond Calmin, le futur Raymond La Science. Entre Rirette et Victor, c'est le coup de foudre. À la mort de Libertad, Rirette a repris la gérance de l'anarchie. Victor y écrit des articles qu'il signe le Rétif. Victor, mon amour, j'ignore comment « expropriation » s'écrit en russe, mais en français, ça ne prend que deux P. Au journal, ils ont retrouvé Raymond Calmin, Octave Garnier, Édouard Caroui, Élie Monnier, René Vallet, qui formeront le noyau dur des bandits tragiques. Rirette les voit dériver vers un illégalisme de plus en plus dur. Leurs rapports se tendent. Lorsque Jules Bonneau entre en scène, c'est la rupture. Pour Rirette, il sera celui qui a cristallisé la révolte de ses amis et les a conduits dans leur équipée sauvage. Mais vous devenez fou ! Ce que vous évoquez n'est même plus de l'illégalisme. C'est du banditisme pur et simple. Croyez-vous que ce soit ça l'anarchie ? C'est la nôtre. Bonneau a raison. Le temps des discours est terminé. On te laisse avec eux. Le 24 décembre 1912, trois jours après la rue ordinaire, Rirette entend gratter à sa porte. Il est 22 heures. Raymond ? Oui. Voilà 2 jours qu'on n'a pas dormi. On veut juste se reposer. On restera pas longtemps. Entrez, entrez vite. Merci. Oh, il fait bon chez toi, Rivette. On ne savait plus où se cacher. C'est vous. Le hold-up, c'est vous. On pensait pas que ça serait comme ça. Et puis voilà, ça tourne autrement. Au lever du jour, les deux hommes repartent. Mais la police a orienté sa traque vers les milieux libertaires. Elle multiplie les arrestations. En perquisitionnant les locaux de l'anarchie, elle trouve 2 revolvers suspects. Rirette et Victor sont arrêtés. Après 1 année de détention préventive, ils sont jugés parmi les 22 accusés survivants de la bande à Bonneau et ceux qu'on soupçonne de les avoir aidés. Au terme d'un procès retentissant, Calmin, Soudy et Monnier sont guillotinés. Peine de prison et de bagne s'abattent sur les autres inculpés. Victor est condamné à 5 ans de détention. Rirette, Maître Jean, est acquitté. Rue du Pré Saint-Gervais. C'est là. À cette heure-ci, l'immeuble est ouvert. La liste des occupants doit être affichée près de la loge de la concierge. Ah, voilà. Loiseau, Lupère, Martineau, Maître Jean, 5e gauche. Vous cherchez ? Madame Maître Jean. Elle est au travail. Vous êtes un ami ? Oui, enfin, je l'ai été. Alors prenez votre mal en patience. Elle ne rentre pas de bonne heure. Pendant que je vous cause, elle doit corriger la dernière. La dernière ? La dernière édition, pardi. Paris Soir ne s'appelle pas Paris Soir pour des prunes. Je n'avais pas percuté. Vous êtes sûr que vous êtes de ces relations à Mme Maître Jean ? Quand elle rentrera, prévenez-la que je l'attends au bar du Bon Coin. Le café qui fait l'angle. Je connais, merci. Et qui la demande ? Dites-lui qu'Ordener l'attend. Ordener ? C'est votre nom, ça ? Ordener ? Un boc et le journal. Vous avez le journal, Paris Soir. Oui. Toi. C'est toi. Rirette. Je savais que tu viendrais. Ordener, c'était pour ça ? Au cas où tu ne te souviennes plus de moi. La rue Ordener, ça ne s'oublie pas. Qu'est-ce que tu veux ? Tu n'as pas changé. Même ton, même allure, même boulot aussi. À Romainville, tu corrigeais déjà le journal. Ton crayon rouge sur les articles. Victor pestait parfois quand tu touchais au sien. L'orthographe, oui, tant que tu voulais, mais changer un mot. Et l'odeur de l'encre, les caractères de plomb dans la casse, la presse imprimée. Tu as toujours aimé ça. À Paris Soir, tu dois être servi. C'est autre chose que l'anarchie. Mitel, je ne crois pas que tu sois venu parler de nos souvenirs. Il y en a de beaux. Peut-être. Quelques-uns. Comme ceux-là. Romainville. Mon Dieu. Où est-ce que tu as eu cette photo ? Dans ton appareil. Mon appareil ? Oh, et ne va pas te méprendre, c'est pas moi qui l'ai volé. La fourche, c'est loin comme la jeunesse. On me l'a vendue dans un lot de bricoles. Je l'ai acheté à cause de ça. Ma broche. J'y tenais tant. On peut me prendre ce qu'on veut. Même s'il vaudrait mieux voler ceux qui ont du bien. Mais ma broche, c'est tout ce qui me reste du môme. Le môme ? André. Soudy, le petit Soudy. Pauvre gosse. me l'avait offerte. Fière de m'en faire cadeau et pour le coup presque honteux de l'avoir volée. Tu l'as toujours eu à la bonne, Bécamel. Bécamel. J'ai pas entendu prononcer son surnom depuis si longtemps. Lui que la presse avait baptisé l'homme à la carabine. Elle était bien lourde pour lui, cette carabine. Bécamel. Tombé de la lune avec ses poumons rongés et la guigne à ses semelles percées. Sacré voyage en arrière. Un enfant. Un enfant égaré. Qui n'a jamais eu de sang sur les mains. Ça n'a pas empêché qu'on le guillotine. Pourquoi s'est-il embarqué avec eux? Ils étaient voués à la mort. Je me suis toujours demandé s'ils ne la cherchaient pas. Les bandits tragiques. Romance à 10 sous. C'est pour éviter à d'autres enfants perdus de suivre leur chemin que j'ai écrit mes souvenirs. Peut-être aussi pour t'en défaire. Tu n'as pas été tendre avec les compagnons. Les compagnons, comme tu dis. Si tu savais combien je leur en ai voulu. Pas comme on l'a prétendu parce qu'ils nous entraînaient dans leur chute, Victor et moi. Du reste, moi je m'en suis bien sortie. Pas Victor. 5 ans de prison à l'exil. Parce qu'il avait refusé de les dénoncer. Malgré ce qu'il pensait de leur illégalisme. Victor. Mon bel amour brisé. Mais c'est pas non plus pour ça que je leur en veux. Ni parce qu'ils ont sali l'idée. Notre belle idée de l'anarchisme. Alors ? Je leur en veux parce que je les aimais. Malgré tout, malgré eux. Ils ont payé. Nous avons tous payé. Presque tous. Tu parles pour moi ? Tu es passé à travers les mailles du filet. Tu as eu beaucoup de chance, Mittel. Et ? Rien. Tout ça est loin. Ça a été si dur après ? Tu le demandes. Il a fallu recommencer à vivre. Même si j'en avais nulle envie. Il a fallu. Pour Chinette et Maude, mes filles, je l'ai fait comme une automate. Une amnésique que le passé ne peut plus émouvoir. Pourtant, quand le passé a ressurgi, 25 ans plus tard... Les mémoires du commissaire Guillaume. Il racontait n'importe quoi. Marcel Guillaume, surnommé l'as de la PJ par la presse, avait conduit la traque de la bande à Bono alors qu'il était jeune commissaire. En 1937, après avoir participé à la résolution de quelques-unes des plus fameuses affaires criminelles du siècle, il publia ses mémoires. Son récit, tout à la gloire de la police, et à la sienne, brossait un portrait des bandits en auto et de leurs compagnons, conforme à ce qu'en attendait l'opinion publique et réduisait le milieu anarchiste à la caricature. Par un étrange tour du hasard, le journal où parurent les mémoires du commissaire n'était autre que Paris Soir, où Rirette était correctrice. En réaction, elle écrivit « Ne réveillez pas les morts », un plaidoyer témoignage. Revenant sur ses engagements, sa jeunesse à l'anarchie et le parcours de ses camarades, elle réaffirmait l'impasse de l'illégalisme, mais donnait de ses anciens compagnons une toute autre image que celle qu'en livrait le commissaire Guillaume. Guillaume déblatéré, salissait tout pour se rengorger un pan. Chaque jour, en lisant sa péroraison, je voyais à quoi il réduisait ceux qui, quel que soit leur crime, furent mes amis. Raymond, Garnier. Nos idées étaient trop grandes pour eux. Ils s'y sont égarés. Ils ont tué. C'est tout ce qu'ils ont su faire. Ils ont payé de leur vie. Guillaume avait le droit d'écrire ce qu'il voulait, mais pas de souiller leur mémoire. Pas de se servir d'eux pour se faire mousser. Il déterrait les morts. Il les montrait sans visage. Exhibait à la foule des pauvres corps décapités. Alors... Alors, tu leur as rendu un peu de la vie qu'on leur avait prise. C'était bien le moins qu'on leur devait. Mais mon récit s'appelait « Ne réveillez pas les morts ». Ça vaut aussi pour toi, dit-elle. Je ne suis pas venu pour ça, mais pour te rendre ces morceaux de notre passé. Je ne voulais pas que d'autres s'en servent. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Parce que le temps n'a pas de prise sur toi. Tu es toujours la petite anarchiste en col Claudine que décrivait Colette. Tu te souviens de ça? Et en une du matin, un papier de Colette, la grande Colette. Au moins, elle ne hurlait pas avec les loups. Qu'est-ce que j'ai dit qui te fait sourire? Tu viens de faire la moue que tu avais à Romainville, lorsque quelque chose te déplaisait. À Romainville, certains jours, beaucoup de choses me déplaisaient. À commencer par ceux qui s'éclipsaient à l'heure des tâches ménagères après s'être étourdis de discours sur l'égalité des sexes. Tu n'as vraiment pas changé. Tu es la même rirette que celle d'hier. Nous avons tous changé. La même rirette que celle des photos. La rirette... L'appareil contenait d'autres photos ? Quelques-unes. Tu ne t'en sers pas souvent. J'avais oublié son existence. Je l'ai retrouvé quand j'ai emménagé près Saint-Gervais. Tu n'aimes pas le mien ? Hein ? Je ne sais plus à qui il appartenait. Tiens, en voici une de toi et Victor. Oh. Vous avez l'air de deux vrais Russes là-dessus. Madame, quand on s'appelle Kibaltchich. Rirette, maître Jean, a épousé Victor Kibaltchich le 3 août 1915 à la prison de Melun où il purgeait sa peine. Après la libération de Victor en 1917, les époux partirent pour Barcelone où bouillonnait une insurrection ouvrière. Sans moyen de subsistance, Rirette dut rentrer à Paris. Victor la rejoignit, mais pour avoir violé son interdiction de séjour, il fut interné 2 ans dans un camp de rétention. À sa sortie, il s'embarqua pour la Russie où la révolution battait son plein. Il en devint l'un des acteurs sous le nom de Victor Serge. Opposant à Staline, il fut condamné à la déportation en Sibérie. Libéré après une campagne d'opinion internationale en 1936, il quitta l'URSS pour regagner la France, avant de fuir le nazisme en 1940 et de mourir au Mexique 7 ans plus tard. Les années de séparation avaient été fatales à leur union. Rirette et Victor avaient divorcé sans s'être revus. Il y a encore des photos, Rirette. Montre, puisque nous en sommes aux souvenirs. Cela risque de réveiller les morts. Qu'est-ce que tu veux dire ? Regarde, tu comprendras. Une automobile ? Qu'est-ce que c'est ? Et celle-ci ? Donne. Donne, je te dis. Près de la voiture, Bonneau, Raymond, Garnier. C'est l'auto de la rue Ordener ? Ouais, la Delaunay. La photo a été prise le matin même. Mon Dieu. Mais par qui ? Ils ont toujours affirmé qu'il n'était que 3. Dieudonné a été condamné à mort parce qu'on l'accusait d'être un mystérieux 4e homme. Il n'a dû sa vie qu'à la grâce présidentielle. Assiégé avant de mourir, Bonneau avait écrit avec son sang « Dieudonné est innocent ». Garnier l'a écrit aussi. Raymond l'a clamé lors du procès. Sur la foi de l'encaisseur de la Société Générale, qui sur son lit d'hôpital avait prétendu reconnaître en lui son agresseur, Dieudonné fut arrêté, accusé d'avoir participé au hold-up de la rue Ordener et condamné à mort. Sa peine fut commuée in extremis en travaux forcés à perpétuité. Après 12 ans au bagne de Cayenne, il réussissait à prendre la belle. Il laisse un récit devenu un classique de la littérature pénitentiaire, La vie des forçats. Il y avait donc un 4e homme. Qui, mit-elle ? Pour qui Dieudonné a-t-il payé ? Ne dis pas que... Toi ? C'était toi ? J'étais avec eux le matin de la rue Ordener, mais je ne suis pas monté dans la Delaunay. J'ai renoncé à les suivre. Si tu les avais vus, Bonneau, plus sombre qu'à l'ordinaire, Garnier surexcité, Raymond blême, mais qui faisait le bravage comme on le fait à 20 ans. Lui et Octave, on aurait dit 2 mômes qui jouent au bandit en sachant que le jeu va mal tourner. J'entends encore leur voix dans le garage. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient con. Jules, Octave, attendez. On est les anarchistes à l'assaut du vieux monde. Ça mérite une photo, non ? Tiens-nous le portrait, Mitel. Pendant que nos têtes sont encore sur nos épaules. Allez, Jules, viens. Vous êtes malade, hein. Pendant que vous y êtes, pourquoi pas dire aux flics qui nous sommes et où ils peuvent nous trouver. Et qu'ils y viennent. Raymond a raison, ça mérite bien une photo. Anarchie. C'est à ce moment-là que j'ai pris la photo. Bonneau a mis l'auto en route. Je ne les ai plus revus. Et tu n'as jamais rien dit. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Pour eux, rien. Pour nous, rien. Mais pour Dieudonné, tout. Ça prouvait qu'il n'était pas avec eux. Ça ne prouvait rien du tout. Dieudonné n'est pas sur la photo, et alors? Les flics auraient dit que c'est lui qui l'avait prise. Dieudonné était condamné d'avance. Au procès, Bonneau et Garnier n'étaient plus là pour témoigner. Ils avaient déjà été abattus. Mais si tu avais révélé l'existence de la photo, avoué en être l'auteur... Les flics ou les juges auraient inventé autre chose. Que Gênes avait rejoint les autres sur le trajet, qu'il avait repéré les lieux... Ou que le quatrième homme, c'était toi. Tu as eu peur, Mitel. Voilà pourquoi tu t'es tue. Tu es dur. Eugène a été condamné à mort. Et toi, tu le laissais aller à la guillotine. Tais-toi. Tu n'as même pas tenté un geste. C'est trop facile de dire que ça aurait été inutile. Mais si Eugène n'avait pas été gracié, j'aurais... Arrête, Mitel. Le bagne. Eugène a vécu l'enfer du bagne et tu as gardé le silence. Mais crois-tu qu'un seul jour, j'ai cessé de penser à lui? Arrêté, il me hantait. Accusé, il me hantait. Condamné, il me hantait. Pendant toutes ces années, il m'a hanté. Non, je n'ai pas parlé. Et tu sais pourquoi? Parce que si je l'avais fait, tu risquais gros. Qu'est-ce que tu veux dire? Que pouvais-je risquer de plus? Le Kodak. Eh ben, le Kodak. Il n'était pas à moi. Non, mais c'est chez toi qu'il était. Je ne comprends pas. C'était celui de Raymond. Il n'allait pas l'emporter au braquage. Je l'ai planqué chez toi, à l'anarchie. Raymond l'aurait récupéré plus tard. Il n'était pas censé abattre qui que ce soit. Mais tout a dérapé. Quand les flics ont perquisitionné, ils n'ont pas prêté attention à un appareil photo. Ils cherchaient des armes. Ils en ont trouvé. Le Kodak était chez toi, Rirette. Si j'en avais parlé, ça te chargeait. Même si tu ignorais tout. Les juges n'ont pas fait de détails au procès. Tu as voulu me protéger? Mais c'est comme si tu m'avais rendu complice de la condamnation de Gênes. Mais si tu avais plongé, ça entraînait aussi Victor. Vous viviez ensemble. Ce n'est pas 5 ans qu'il aurait ramassé. Victor t'importe à présent, c'est nouveau. Arrête. Puisque la police n'avait pas vu l'appareil, qu'est-ce qui t'empêchait de venir le rechercher? L'anarchie était bouclée, surveillée jour et nuit. Une vraie souricière. Libéré, quand tu as déménagé, tu as emporté le Kodak et le reste. Et la guerre a éclaté. La der des der, il disait, avant que la suivante n'arrive. Moi, j'ai filé en Suisse, les années ont passé. Quand je suis rentré en France, tout avait changé. Je n'ai pas cherché à revoir qui que ce soit. Je me suis installé aux puces. Et pendant que Gênes subissait l'horreur du bagne, la photo qui pouvait l'innocenter était chez moi. Crois-tu que je pourrais regarder son fils en face, désormais? Il a fallu que Jeannot te cambriole pour que le Kodak me revienne. Le destin joue de ses tours, pas vrai? Je le trouve sinistre. Adieu, Mitel. Tu t'en vas? C'est mieux ainsi. Tu veux pas savoir pourquoi je refusais que tu plonges? Pourquoi la petite anarchiste en col Claudine derrière les barreaux m'était une pensée insupportable? Je ne veux pas l'entendre. Ah. Rirette. Quoi? Tu ne prends pas les photos? Tu as réveillé les morts. Je te laisse avec eux. Moi, j'emporte mes fantômes. Ils m'ont jamais quitté. Rirette, maître Jean, fréquenta jusqu'à sa mort les milieux anarchistes. Elle en ouvrit la porte à un homme qui allait marquer son temps, Albert Camus. Ils s'étaient rencontrés en 1939, alors qu'ils travaillaient tous deux à Paris Soir. Une amitié était née. Rirette s'éteignit en juin 1968. Devenue aveugle, elle n'aura pas vu le drapeau noir flotter sur la Sorbonne. Rirette s'était trompée. Je n'avais pas réveillé les morts. Ils ne m'avaient jamais quitté. Toutes ces années aux puces, ravauder des vieilleries était une façon de ne pas leur lâcher la main. Bientôt, je les aurais rejoints. Mais avant, la nuit tombée pour moi seul, j'aurais remonté le ressort de mes boîtes à musique. Alors, j'entendrais la petite anarchiste en col Claudine fredonner, comme à Romainville. Nous avions 20 ans. C'était hier. Rirette, maître Jean, du col Claudine à la bande à Bonneau, de Patrick Péchereau, avec David Sigisselli, Jules Bonneau, Elisabeth Mazève, Rirette, maître Jean en 1947, Grégoire Isvarine, Raymond Quelmin, Florence Lecor, Rirette, maître Jean en 1912, Antoine Sastre, Octave Garnier, Jean-Paul Wenzel, François Mitel, François Hatt, Jeannot et Cécile Bournet, la concierge. Bruitage, Elodie Fiat, prise de son montage et mixage, Benjamin Vignal et Emmanuel Armin, assistante à la réalisation, Litorquia, réalisation, Baptiste Guiton. Dans un instant, nous reprenons la discussion sur les anarchistes et sur Rirette Maître Jean. J'y pense tout le temps, et pour que ça passe, je m'automédique, j'avale, les extra merdiques. Et je me dis que ça va. Et quand tout fout le camp, je prends la poudre d'escampette comme étant mon pour ralentir, que les voix se taisent. Après la tempête, je flotte dessus mes hantises, dessus la peur d'être fou, allié, marteau comme ici les requins, que j'aimerais qu'on quinte au fond du bocal filé. Ouais, je crains de finir fou, allié, marteau comme ici les requins, sous les tickets locastes pour des cieux tropicaux. Pastilles multicolores pour que les dieux décolèrent. Dans la discothèque poussent des palmiers colères, crocodile Lacoste. Descendons en parachute dans cet infini paradis. La pensée à ses terres, pas vu des radars satellitaires. Cette île est-elle ici réelle, abandonnée? Ou bien dans ma tête, un récif peuplé de sirènes qui disent que je suis fou, allié, marteau comme ici les requins, que j'ai dans la quinte un tout petit grain caféiné. Elles disent que je suis fou, allié, marteau comme ici les requins, chance des tickets locales pour des cires tropicaux. Feu Chatterton, fou allié sur France Inter dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Antoine Abrowski, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Charles Danet. Patrick Péchereau, d'abord à votre demande, je tiens à rectifier quelques petites erreurs qui ont été faites dans le texte. Le hold-up de la Société Générale de la Rue Ordinaire n'a pas eu lieu en 1912, mais bien en 1911 et leur folle cavale, donc qui a duré plusieurs mois, s'est terminée en avril 1912 avec la mort de Jules Bonneau, et le procès des survivants a eu lieu l'année suivante, donc en février 1913. Voilà, les corrections sont faites. Alors cette histoire terrible a fait de nombreux morts, Patrick Péchereau, donc les victimes d'abord de la bande à Bonneau, hein, faut quand même le dire, les employés de banque, les policiers, toutes les personnes qui ont eu le malheur de se trouver sur leur chemin et pour lesquelles ils n'ont eu aucune pitié. Et puis enfin, la mort de ces hommes, souvent très jeunes, morts dans les assauts de la police, ou ceux qui sont morts guillotiné. Pourquoi, Patrick Péchereau, avez-vous eu envie de raconter cette histoire? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Ce qui m'a intéressé dans cette histoire au départ, c'était le trajet de ces hommes, qui étaient effectivement tous jeunes, qui étaient tous issus du monde ouvrier, qui considéraient que l'action collective était dans une impasse, et qui ont été un peu les enfants perdus de l'anarchie, qui sont restés des anarchistes, mais qui se sont perdus eux-mêmes, à la fois dans leurs rêves et dans leurs actions. Et puis aussi tous ces gens qui, bien des années avant ma génération, expérimentaient des modes de vie que la génération des années 70 a recherché à génération à laquelle vous appartenez ? Un petit peu. Hein. Ouais. J'avais 20 ans en 73, donc toutes ces expériences communautaires, de refus à l'époque, ça peut sembler bizarre de dire ça aujourd'hui avec le nombre de chômeurs, mais de refus de l'aliénation du travail, d'expériences alternatives. L'aliénation du travail existe encore, même si l'aliénation du chômage existe voilà, aussi. On la voit plus tout à fait de la même façon. Fort heureusement, les conditions de travail sont quand même un peu adoucies par rapport à 1911. Bref, tout ça faisait qu'il me semblait très actuel et finalement très mal connu. Voilà, on voit des bandits, on ne voit pas les hommes qui sont derrière, les jeunes hommes, et pour certains les enfants, et les causes sociales de leur trajet et ce qu'ils pouvaient penser. Voilà, c'était pas n'importe quoi, c'était pas n'importe qui. Dans la fiction, vous faites dire à Mitel, donc le héros inventé de cette histoire, vous lui faites dire « il faut comprendre ». Est-ce que c'est pas toujours délicat de parler comme ça de gens, de prendre ces personnages qui quand même ont commis des crimes, de les prendre en héros ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indulgence qui, malgré soi, s'installe sous la plume ? Si, c'est très ambigu lorsqu'on se met à fréquenter des bandits de cette dimension et lorsqu'on vit avec eux le temps suffisant pour l'écriture d'un roman. Oui, il peut se produire effectivement une espèce de, presque de syndrome de Stockholm du romancier, mais je crois que c'est bien de toute façon de toujours chercher à comprendre. Hein, je vais pas paraphraser une phrase d'un Premier ministre récent. Je crois que c'est toujours bien de chercher à comprendre, sans excuser, mais de voir toujours l'humain quelque part. Il y a un personnage qui est assez fascinant dans cette histoire, c'est l'héroïne, parce que c'est une des rares femmes de la fiction, c'est Rirette Maître-Jean, donc cette femme qui a réellement existé et qui a survécu à toute cette histoire, et jusqu'en 1968, une date, oui. C'est un hasard évidemment, mais assez troublant, qu'est-ce qu'elle est devenue après, justement, la bande à Bono ? Ben après l'histoire de la bande à Bono, elle a pris donc son vrai métier de correctrice de presse. Donc elle a travaillé dans plusieurs médias, notamment à Paris Soir. Elle a fait partie du syndicat des correcteurs, donc elle a jamais abandonné ses idées. Elle s'est mise très en retrait, bien sûr, mais elle n'a jamais abandonné ses idées. Et puis, à Paris Soir, elle a rencontré quelqu'un qui allait devenir son ami, qui s'appelait Albert Camus. Il était à ce moment-là à Paris Soir ? Il était journaliste à Paris Soir, oui. Ils se sont beaucoup rapprochés. Et Rirette a sans doute fait partie des gens qui ont conforté Camus dans l'intérêt qu'il avait pour la pensée anarchiste, hein, puisqu'il a donné jusqu'à la fin de sa vie des écrits, des articles à des journaux comme Le Libertaire, Défense de l'Homme, qui était le journal de Louis Lecoing, un autre ami de Rirette Maître-Jean. Voilà, Rirette Maître-Jean est morte effectivement en 68. En juin 1968. En juin 68. Merci beaucoup Patrick Pechereau. Donc je signale un livre qui justement traite aussi de cette histoire, un roman que vous avez publié, L'homme à la carabine, avec la photo assez troublante en couverture justement d'André Soudy, un des héros de cette histoire. L'homme à la carabine donc, et aussi votre dernier roman, Une plaie ouverte. Tous les deux sont publiés chez Gallimard. Autant n'importe l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où je vous invite à découvrir le nouveau dessin de Nina Lueck. Vous pourrez aussi écouter les émissions que vous avez peut-être manquées. Drian, le sacrifié de Verdun, l'histoire du lieutenant-colonel qui, avant la bataille de Verdun, tenta en vain d'alerter le général Joffre de l'imminence d'une offensive allemande. Ou encore, 1861, le complot de Baltimore, quand Abraham Lincoln, le président des États-Unis, partisan de l'abolition de l'esclavage, était menacé de mort par les sudistes. Et bien sûr, j'attends avec impatience vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, avec 1929, Samuel Insull, la cavale d'un milliardaire, nous partirons aux États-Unis au moment de la Grande Dépression, au lendemain du Jeudi Noir, quand des centaines de milliers de petits épargnants ont été ruinés. Carl Ruddick, journaliste au New York Times, se lance à la recherche de Samuel Insull, le milliardaire qui a causé la mort de son père. Je recevrai l'historien et économiste Pierre-Cyril Hocker. À dimanche prochain, dans quelques minutes, vous avez rendez-vous bien sûr avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.